Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est l'heure de faire une incursion dans le monde de la science avec Futur Simple. Et en cette avant-veille de Noël, que diriez-vous de mettre un peu de musique dans votre ciel? Si d'aventure vous levez les yeux au ciel la nuit du réveillon et que le ciel est dégagé, que les étoiles se mirent dans vos yeux, peut-être entendrez-vous quelques musiques. Ou est-ce que le ciel étoilé vous inspirera quelques notes? Rien de farfelu dans ce que je dis, car dans l'histoire des sciences, des astronomes ont vu une relation entre le ciel nocturne et la musique, tandis que d'autres ont été compositeurs, et inversement, des compositeurs se sont inspirés de l'univers pour leur création musicale. Alors, c'est ce maillage entre astronomie et musique que nous allons découvrir dans la prochaine heure sur une idée de l'astrophysicien Jean-René Roy. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, Valérie, et bon début d'hiver astronomique. Un bon début d'hiver astronomique plein de neige, on l'espère. Et bah, parlant de début, on va justement remonter il y a longtemps dans l'histoire, dans l'Antiquité, où déjà il y avait ce concept de musique des sphères que Pythagore avait émis. Qu'est-ce que c'est ce concept musique des sphères? Donc, avec Pythagore, on se retrouve au 7e siècle avant Jésus-Christ, hein, en Grèce antique. Et en fait, Pythagore est celui qui a un peu construit ce modèle d'univers en regardant les mouvements planétaires comme étant un système de sphères concentriques qui a été développé beaucoup plus tard par l'astronome Eudoxe. Et Pythagore, en fait, avait fait l'hypothèse que ces sphères, en fait, se frottaient les unes sur les autres et le frottement produisait des sons, des musiques, avec des tons, des tonalités, des intensités dépendant de la dimension de la sphère, de la position dans le ciel d'une planète, emportée par sa propre sphère. Donc, et l'autre chose, les gens lui disaient, mais mon cher Pythagore, pourquoi on n'entend pas cette musique? Devrait être tonitruante. Et Pythagore disait simplement parce que, comme tout son auquel on est habitué, comme bébé, on est dans ces sons depuis toujours. Ouais, donc on ne les entend pas. Mais les modèles astronomiques qui ont suivi, j'ai mentionné Eudoxe, qui a vraiment développé le système des sphères en modèle mécanique assez intéressant, ou Ptolémée, qui est venu beaucoup plus tard, au premier siècle de notre ère, qui a développé un autre système avec des roues qu'on appelle épicycles, déférents, etc., n'ont pas repris l'idée de musique des sphères. Et il faudra en fait attendre, après quelques mentions au cours du Moyen Âge, il faudra attendre l'astronome Johannes Kepler à la fin du 16e et au début du 17e siècle pour revenir à ce concept. Mais lui, il avait aussi toute une vision, non seulement de musique, mais aussi une vision géométrique de l'agencement des planètes. Donc, on sent chez lui une certaine volonté d'harmoniser un petit peu l'agencement des planètes, à la fois géométrique et avec de la musique. C'est fascinant parce qu'on ne croit pas que Kepler lui-même jouait de la musique ou quelques instruments que ce soit. Donc, c'était plutôt son espèce de côté mystique, de quelque chose qui était construit avec beaucoup de symétrie. Donc, il avait bien en tête, évidemment, son modèle astronomique avec un modèle héliocentrique. Les planètes, la Terre elle-même tournent autour du Soleil. Et évidemment, c'est lui qui a découvert que les trajectoires des planètes autour du Soleil n'étaient pas des cercles parfaits, mais plutôt des ellipses. Et en fait, il voyait certaines proportions dans les ellipses qui l'ont amené à prédire, évidemment, des séries de tons et de tonalités, de sons beaucoup plus riches que tout système qui était basé sur un système de sphères concentriques comme celui de Pythagore. Et donc, il a proposé en fait une véritable musique comme telle. Et il est possible d'en retrouver en ligne de ces exemples, comment on fait ces interprétations. Évidemment, ça n'a pas tenu le terrain. Et Isaac Newton, qui avait un peu un aspect mystique lui aussi dans son interprétation de la nature, de l'univers, a repris les lois de Kepler, mais a balancé tout simplement cette histoire de musique. Donc, il s'en passait. Et évidemment, on sait maintenant que l'espace entre les planètes, entre les étoiles, entre les galaxies est vide. Il n'est pas question d'avoir de musique, au moins au sens que nous, on l'entend. Mais cependant, là, comme vous dites, donc il avait cette idée de musique des sphères, mais est-ce que lui-même a composé ou est-ce que ça a été repris par d'autres musiciens? En fait, ça a été repris par un couple d'astronomes qui a vécu à la fin du 18e et au début du 19e, William Herschel et sa sœur Caroline Herschel, qui étaient des musiciens de formation. Et évidemment, ils étaient en Allemagne comme musiciens. Caroline était elle-même chanteuse d'opéra et de différents oratorios. Et William lui-même était organiste et il composait. Et sans aucune relation avec l'histoire de musique des sphères, ici ce n'est pas une hypothèse, ils sont tous les deux musiciens. Et il n'est pas clair vraiment que dans leur composition, surtout William, qu'ils s'inspirent directement de l'astronomie et des astres. En fait, il n'y a pas de mention comme telle. C'est très intéressant parce qu'on retrouve la musique d'Herschel à l'heure actuelle. Donc, c'est une musique très agréable qui, d'une certaine façon, me rappelle Mozart ou même au 19e siècle, qui peut rappeler certaines compositions. Position de Rossini. Il est possible de s'en procurer sous forme CD ou de la télécharger des différents sites qu'on peut trouver en ligne. Donc là, pour Herschel, en fait, pour William Herschel, ce qu'il nous a légué, c'est une série de symphonies, finalement, qu'il a lui-même écrites. Ah, il a écrit beaucoup de musique. Les symphonies sont accessibles. Il a fait d'autres pièces de musique, des sonates, etc. et tout. Et pendant longtemps, pendant au moins le début de sa carrière comme astronome en Angleterre, il était organiste. D'ailleurs, quand il a déménagé, entre guillemets, de l'Allemagne à la Grande-Bretagne, il était engagé comme organiste, je crois, à la petite ville de Bath, dans le sud de l'Angleterre, tout proche de Londres. Caroline était chanteuse aussi, donc elle était souvent invitée. D'ailleurs, on dit que avec tout le travail en astronomie que Herschel a commencé et qui est devenu de plus en plus accaparant, ça a finalement, en quelque sorte, ruiné la carrière de Caroline comme chanteuse. Caroline est embarquée de plein pied dans tout le travail astronomique aussi, ses contributions sont extraordinaires. Donc, William Herschel a écrit plusieurs symphonies et on va écouter l'ouverture de la symphonie numéro 17. On a l'exemple avec William et Caroline Herschel, donc frères et sœurs d'astronomes qui sont eux-mêmes musiciens, qui combinent les deux fonctions, si on peut dire. Alors que dans le cas, pour en revenir à la musique des sphères de Kepler, donc on a de la musique de ce que Kepler considérait la musique des sphères, mais ça a été des mises en musique par d'autres compositeurs. Oui, en effet, il y a eu plusieurs compositeurs qui ont fait des interprétations de ce concept. Et d'ailleurs, si on veut les écouter, on ne voit pas tellement cette notion spatiale, autant que d'autres musiques qui sont plus directement d'inspiration, je dirais, spatiale, sur lesquelles on peut revenir. Il y a deux exemples qu'on peut retrouver sur des pièces dont le titre est l'harmonie des sphères ou la musique des sphères. Une, par exemple, c'est par le compositeur suisse Paul Hindemith, qui a vécu dans la première partie du 20e siècle, un compositeur de musique contemporaine très bien connu, donc qui a fait cette pièce, l'harmonie des sphères, en 1951. Donc, c'est une pièce de musique qu'on pourrait dire classique contemporaine. D'une manière, sur un ton plus léger, il y a Philip Spark, qui est un compositeur anglais contemporain, qui a aussi produit une pièce, Musique des sphères, en 2008, sur un ton qui est, sur une approche qui est, enfin, une musique qui est plus facile, entre guillemets, que celle de Hindemith. Mais ce sont deux exemples, et il y en a plusieurs autres, qui ont utilisé cette thématique, à partir même de la Renaissance. Justement, on va écouter l'ouverture de la musique des sphères du compositeur Philip Spark. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est quand même des auteurs, des compositeurs contemporains, là, Felix Park, 2000, 2008. Donc, c'est quand même tout à fait contemporain, mais il est allé s'inspirer d'une idée, d'une vision de perception de l'astronomie de la Renaissance. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et si on reste dans les temps, actuels, dans l'actualité, donc, il y a encore des exemples, où l'astronomie inspire la musique, mais c'est pas tout à fait la même démarche. Là, c'est plus des images d'astronomie qui sont mises en musique par des astrophysiciens d'aujourd'hui, ou en tout cas, ou peut-être des compositeurs qui s'inspirent de musique, d'images, mais qu'ils espèrent de transposer ça en son ou en musique. Donc, il y a deux approches à ce niveau-là qui sont intéressantes. Une approche, c'est plutôt de regarder des phénomènes physiques qui se passent à la surface des astres. Un exemple, c'est la pulsation des étoiles. Les étoiles sont des grandes sphères de gaz et en raison de propagation de l'énergie à travers le système, il va y avoir certaines instabilités. Un peu comme lorsque vous chauffez votre eau dans la casserole, elle va se mettre à bouillir. Donc, l'analogie est un peu boiteuse ici, mais elle représente un peu cet état de déséquilibre qu'aura une étoile atmosphère où il va y avoir des brouillons, un peu comme notre atmosphère va avoir de la convection. Et il y a des signaux qu'on peut enregistrer sous forme de fluctuations légères de luminosité et on appelle ce phénomène pulsation stellaire. Et il y a de beaux exemples de ce type de musique qu'on fait de certains compositeurs. Donc, on simule soit une pulsation d'un système d'étoiles. Il y a un bel exemple par un composition turc qui fait une simulation musicale de deux étoiles qui sont en orbite l'une autour de l'autre et qui sont elles-mêmes des étoiles pulsantes. Donc, c'est un très, très bel exemple. L'autre exemple, ce sont les pulsations du Soleil qui sont aussi très intéressantes à mettre en musique. Et il y a un compositeur, entre autres, le compositeur américain de l'école de musique d'Illinois, Stephen Taylor, qui a fait une belle composition qui représente les pulsations, cette fois-ci, du Soleil, qui a une espèce de système de pulsations qui se répète toutes les 5 minutes. Donc, ce sont des approches qui sont nouvelles, qui sont intéressantes. Un autre type d'approche, c'est comme vous l'avez mentionné, Valérie, c'est celui d'utiliser les images elles-mêmes. Donc, les images assez spectaculaires qu'on voit dans les médias prises par les grands télescopes au sol dans l'espace. Et ce que vous voyez souvent, c'est un objet avec des variations de couleur, d'intensité et tout, etc. Donc, ça a inspiré beaucoup de musiciens. Moi-même, je comprends pas trop pourquoi ils vont faire cette espèce d'imitation, transposition de l'image en ton, mais les résultats sont intéressants. Donc, souvent, l'approche est tout simplement de balayer une image de gauche à droite et finalement, vous avez des fluctuations d'étoiles, des ondes plus continues comme les nébuleuses et des ondes plus ponctuelles comme les étoiles. Et vous avez un peu des sursauts dans l'intensité ou dans la coloration des tons. Et vous balayez en quelque sorte l'image de cette manière. Donc, il y a des simulations musicales qui sont très belles. D'autres, ça peut être simplement de prendre comme le reste d'une supernova, donc d'une étoile qui a explosé. Entre autres, des musiciens de Harvard ont fait en quelque sorte une transposition de l'image du reste de supernova qui a explosé dans la constellation de Cassiopée en 1572. Il y a toutes sortes de façons créatives, mais qui, je dirais, qui s'inspirent des images d'une manière, disons, que je dirais, assez primaire, c'est-à-dire une réaction qu'on a devant la beauté de l'image et on la transpose en quelque chose qui est en musique, comme si devant un beau paysage, nous, on se met à chanter ou à siffler. Ouais. Il y en a un autre exemple aussi, c'est la mise en musique des anneaux de Saturne, où là on comprend un petit peu mieux comment finalement l'image est transposée en son, parce qu'on entend le son qui arrive en même temps le balayage franchit les anneaux les uns après les autres. Oui, c'est peut-être disons que la mise en musique que je trouve une des plus dramatiques avec celle de la mise en musique des pulsations stellaires. Celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'elle va plus loin que simplement une impression des couleurs et des intensités. Et en particulier, ça vaut la peine de l'écouter en entier parce qu'on suit en quelque sorte la fameuse sonde Cassini qu'on a fait plonger dans la planète Saturne après avoir traversé les anneaux. Et on voit cette espèce de dramatisation de l'événement par les tonalités, les sons que le compositeur a mis en marche ici. Très, très belle représentation d'un phénomène astronomique et ici aussi astronautique, qui est quelque chose d'assez intriguant et en même temps très inspirant. Alors justement, on va écouter cette mise en musique des anneaux de Saturne. Alors on voit que des astronomes et des astrophysiciens ont mis de la musique dans leurs recherches ou dans leur vie. L'inverse est vrai aussi, donc des compositeurs puisent leur inspiration dans les astres, comme par exemple Dick Annegarn et sa chanson L'univers qu'on va écouter sur CKRL 89.1. Et nous vous revenons juste après cette pause musicale pour parler justement des compositeurs inspirés par l'astronomie. Citoyens qui êtes de ce monde, Fils de terre et fille qui les féconde. La terre n'est qu'un trou dans l'univers, hein. Ni de fourmis, hein, ni plein d'humains qui, je le crois et je vous avertis, est à sa fin, sur son déclin. Bientôt on sera plus qu'un raisin dans l'uni, l'uni, l'uni, l'uni, l'uni, l'uni, l'uni, l'uni, l'uni, l'uni, l'uni, l'univers. Est beaucoup plus vaste que l'on croit connaître, que l'on croit pouvoir contenir dans nos sciences. L'univers est absolu, unique, corpusculaire, immensément grand. Relatif est notre avenir, relatif à son désir, le désir du maître des êtres, qui peut-être va nous faire disparaître. Relatif est notre avenir, sa colère sera éphémère, le petit saut d'humeur et la terre ne sera plus que vapeur. Par Jupiter. Il se fâchera quand il s'apercevra qu'une petite sphère faite de terre et de mer va trop vite sur son orbite. Il nous fera disparaître. Il nous fera une pichenette. J'aurais déjà disparu, je m'éclipserai dès demain. Je m'en vais dès demain sur mon char. Je me barre, barda, je vais loin. De retour à Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au micro, toujours en compagnie de l'astrophysicien Jean-René Roy, et nous continuons cette émission sur le thème de l'astronomie et de la musique. En première demi-heure, on a vu que certains astronomes ont cherché une certaine relation entre la planète et la musique, tandis que d'autres astronomes ont été compositeurs, et que d'autres, plus récemment, ont transposé les images de l'astronomie en son. Mais inversement, des compositeurs, des musiciens se sont inspirés de l'astronomie pour écrire leur musique. Alors, Jean-René, c'était le cas, par exemple, de Camille Saint-Saëns. Oui, Camille Saint-Saëns, il n'est pas très clair que la musique qu'il a composée, qui est fantastique, on connaît bien le Carnaval des animaux, par exemple, a été directement inspirée par l'astronomie. D'autre part, Camille Saint-Saëns est un des astronomes qu'on sait avoir été vraiment passionné par l'astronomie. Il a maintenu une grande relation d'amitié avec l'astronome français Camille Flammarion, au début, au tournant du siècle. Et aussi, on sait que lorsqu'il était assez jeune, il avait composé une série de petites compositions pour piano pour lesquelles il a été payé et avec laquelle il s'est acheté un excellent petit télescope, une lunette pour regarder le ciel. Donc, c'est un exemple d'astronome, de musicien, excusez-moi, qui a été passionné par l'astronomie, mais pour lequel on ne voit pas beaucoup d'influence sur son inspiration, mais comme bien d'autres choses, on est influencé un peu sans trop le savoir par nos intérêts dans les différents domaines. On est influencé par ses intérêts dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on produit, surtout dans la création artistique comme la composition musicale. Oui, non, c'est peut-être pas très clair si les compositions de Camille Saint-Saëns sont inspirées de la musique, de l'astronomie, d'autant plus que le titre, les titres comme le Carnaval des animaux ou la danse macabre n'évoquent pas vraiment l'astronomie en tant que telle. Mais par exemple, pour le cas de Gustav Holst, dont avec son œuvre Les planètes, dans ce cas-là, est-ce que lui, il a été inspiré par l'astronomie pour composer Les planètes? Lui, c'est clair, Holst, dont on entend souvent les pièces, il est un compositeur préféré de beaucoup d'orchestres par la puissance de ses œuvres. Donc, il a en quelque sorte fait une composition, lui, inspirée par l'astrologie. Ah, Donc, pas l'astrologie, dans c'est pas pareil. l'astrologie. Donc, il prend chacune des planètes et il compose en quelque sorte une symphonie reliée à cette planète, à sa thématique, comme Mars. Qui est le dieu de la guerre, Vénus, la déesse de l'amour, de la concupiscence, etc. et tout. Et il y a des connotations astrologiques traditionnelles assez bien connues. Et c'est de cela qu'il s'est inspiré, non pas entre guillemets de l'astronomie. Il y a rien à faire avec l'harmonie des sphères. Donc, et ces pièces sont fort intéressantes à écoutez, elles sont jouées de manière fréquente par à peu près tous les grands orchestres du monde. Donc, c'est souvent quand on parle d'inspiration astronomique en musique, beaucoup de gens, c'est le premier nom qu'on nous appelle. Et je leur rappelle que l'inspiration n'est pas tellement astronomique qu'astrologique, ce qui n'enlève pas la valeur musicale de la composition. Mais il y en a un autre, par contre, qui s'est vraiment inspiré de l'astronomie, ou du moins d'un astronome, c'est Henri Górecki. Oui, le compositeur polonais, évidemment, rend honneur à son ancêtre. Donc, Henryk Goreschki est un très grand compositeur que j'aime beaucoup. C'est une musique minimaliste dont on peut retrouver des pièces en CD en grand nombre et qui a souvent une inspiration à thématiques religieuses. Donc, en 1973, on célébrait le 500e anniversaire de la naissance de Copernic et ça a été une année de célébration en Pologne et à travers le monde dans la communauté astronomique, surtout en histoire de l'astronomie. Et Goreschki, c'est probablement le gouvernement polonais, lui a commandé une œuvre magistrale, c'est un grand nom. Donc, il a composé ce qu'on appelle la symphonie numéro 2, la copernicienne, on pourrait dire. Donc, qu'on peut voir, ça vaut la peine d'aller l'entendre et la voir. Il y a une très belle visualisation qui est appuyée par des images prises par des télescopes. Donc, elle est une composition très agréable à entendre. C'est une musique de caractère contemporain à teneur classique qui est fort intéressante et qui ici rappelle un anniversaire très important, la naissance de l'astronome polonais Nicolas Copernic qui était célébré en 1973. Et la musique, elle, continue, nous rappelle l'œuvre de Copernic. Ben, on va en écouter justement quelques notes de cette symphonie copernicienne. Thank you. Alors, dans un tout autre registre aussi, parce qu'il n'y a pas que les compositeurs classiques qui se sont inspirés de l'astronomie, il y a des compositions plus des chanteurs ou même peut-être des orchestres de jazz qui se sont inspirés de l'astronomie. Et on peut, il y en a une que vous aimez beaucoup, c'est dans Monty Python. Ah, c'est un bijou. Donc, la pièce n'est pas très longue et le visuel est absolument fantastique. Donc, rappel, Monty Python, un groupe de comédiens chanteurs des années 70, on parlait du 500e anniversaire de Copernic. Donc, un groupe britannique au grand sens de l'humour et qui a fait beaucoup de compositions et tout. Et cette œuvre qui s'appelle The Meaning of Life, Galaxy Song, donc la signification de la vie, le chant de la galaxie, en quelques minutes, est un résumé extraordinaire de l'astronomie, en particulier via notre position dans la Voie lactée, dans l'univers, notre déplacement autour du Soleil et dans la Voie lactée. On parle de la période de révolution du Soleil autour du centre de la Voie lactée. On parle de tous ces mouvements. On parle de l'expansion de l'univers. Du point de vue astronomique, la précision est extraordinaire et c'est un résumé absolument flamboyant de nos connaissances de l'astronomie. C'est très D'ailleurs, original. les chiffres qu'il présente, il y a une cinquantaine d'années, sont toujours, en gros, très valides. La projection des personnages, elle est spectaculaire. La mélodie, elle est des plus agréables. Donc, je vous encourage à écouter cette pièce qui est un petit bijou de musique vraiment inspirée par l'astronomie et qui enseigne de l'astronomie par son texte, par la mélodie. Et il y a un petit épisode absolument extraordinaire d'une simulation d'une espèce de personnage extraordinaire d'une femme qui est créée, entre guillemets, et vous allez voir ce qui se passe en regardant l'image sur la projection vidéo qu'on peut retrouver. Alors, on va déjà en écouter quelques notes également pour vous donner envie d'aller voir cette vidéo. Listen to this. Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough. Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. Keeps on expanding and expanding in all of the directions it can whiz. As fast as it can go, at the speed of light, you know, 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's bugger all down here on Earth. Voilà, donc c'était un extrait de The Meaning of Life, Galaxy Song de Monty Python, que vous pouvez voir dans son intégralité sur YouTube. Alors, il y a d'autres compositeurs peut-être encore plus récents, Michael Field aussi, le Kronos Quartet aussi, qui eux aussi mettent l'astronomie en musique. Oui, j'aime bien aussi un peu dans l'esprit de Monty Python, la petite pièce de Mike Oldfield de 1984, Saved by a Bell, qui est toute simple et qui un peu s'intéresse à observer le ciel seulement. Est-ce que ce soir le ciel va être dégagé? J'aimerais ça avoir une belle nuit, etc. et tout. Donc, c'est très agréable aussi à entendre. Et moi, une de mes préférées, c'est le magnifique Sun Rings par le compositeur américain Terry Riley, qui est toujours vivant, qui, dans ce cas-ci, est interprété par le Kronos Quartet. Et là aussi, on peut avoir en ligne un très beau vidéo pour écouter cette pièce qui est relativement longue. Donc, et c'est peut-être ma préférée, dans le sens de composition contemporaine, musique que j'aime beaucoup, avec The Meaning of Life, Galaxy Song de Monty Python. Donc, ces deux-là, pour moi, résument un peu l'approche contemporaine, actuelle, de compositeurs qui s'inspirent pas mal directement d'observations et de phénomènes astronomiques. Eh bien, on va donc écouter quelques notes de Sun Rings de Terry Riley, interprétées par le Kronos Quartet. Et nous voilà au bout de notre balade d'astronomie musicale proposée par l'astrophysicien Jean-René Roy, comme quoi l'astronomie et la musique, ça se mêle très bien, n'est-ce pas? Ça permet de terminer aussi l'année en douceur. Alors, merci beaucoup, Jean-René. Ce fut un grand plaisir de partager des impressions et des petites passions musicales. Voilà, comme quoi l'astronomie et la musique se marient très bien. Et on va se laisser avec quelques notes de Galiléo, chantées par Claire Pelletier, avant de passer le micro à Calypso le Moine, qui va vous accompagner avec En aparté sur CKRL 89.1. La tête de nos savants.